Donc ça va être tout bientôt un. Alors, donc, ça marche ou pas? Ça va être tout bientôt un. Une performance sonore intitulée Echoes, Effects and Synergies par un collectif. Ah ouais, carrément. Ah ouais, d'accord. Est-ce que vous voulez qu'on lance aussi des nouvelles ondes dans les enceintes qui passent en aléatoire? Non, surtout pas, sinon après ça va pas stériliser ici. Des questions simples, des réponses simples, des fois. Question. Oui. One small question. I absolutely forgot that would be very clever to print the script for tomorrow because people will not understand Slovenian. I mean, for the piece that is like word based. Yes. Is there any chance, because I have this bilingual translation, that we do some prints here? I mean, if this means some costs, we can also pay it by. You have to ask to. Philippe is called the man who takes care of all the pavilion, and this guy in. White with two barb like this, barb like this. It's maybe in the first place when you go out, the first plate on the left. No, outside. You can. With the white bird? Yes, that's it. Allez, en route. C'est de l'acier, ça. Comment? C'est de l'acier, c'est quoi? Oui, c'est de l'acier. Ouais. Ce n'est pas de la peau de bête ni de bois. C'est pas de la tôle, c'est pas de l'aluminium. Ah. Bon, en général, tout ça, c'est de l'acier, du métal. Non, c'est du métal. Après, je ne sais pas. Ça, c'est du galvanisé, donc c'est de l'acier galvanisé. Le reste, je ne sais pas. C'est... Non, juste pour le détail, il faut que tu demandes à des spécialistes. Non, au début, c'était un peu encore pas mal qui sont pas allumés. Il y en a encore quelques-unes qui ne sont pas allumées, oui. Là, Allez, tu peux, ils sont en train de jouer, va y faire des photos. Almost as if no one else is around. As if there are no parents. And I am just laying there. A creature. The only creature. Alive. Come on, dear. L'anglaise, j'ai rien dit, je suis partie, putain, j'ai trop honte. J'avais trop la flemme de me justifier, il m'aurait fait « Ouais, t'es parti. Fais tout, reste !» Tu vois, moi c'est exactement ce que j'ai fait, je suis restée exactement une demi-heure à la soirée parce que ça m'a agressé. Joyeux anniversaire. J'hésite à en amener un chez nos voisins, mais peut-être pas. Oui, mais on les met où après? Ça va se densifier. Dommage, c'était fermé. Encore beaucoup. Tu crois qu'il y en a deux? Il n'y a plus que des cigales à l'intérieur. C'est là que tu en profites pour aller leur dire quand même. Oui, on attend qu'ils sortent d'eux-mêmes. Il n'y en a plus ? Je crois qu'il n'y a plus que des cigales. Et du coup, on fait quoi alors ? Ben, soit on les laisse comme ça jusqu'à ce qu'ils applaudissent, soit on va leur dire que maintenant, on a rentré les cigales. Sébastien Marc. Sébastien, je ne suis pas un enregistrement. Allez, on va voir Théo. J'ai appelé Marc aussi. Marc, can I interrupt you? On va peut-être rentrer, leur dire que maintenant qu'on a rentré les cigales, sorti les nouvelles du monde, ils ont le droit de bouger, sinon il n'y a plus qu'à attendre qu'ils comprennent tout seuls et qu'ils applaudissent. Ok. But he was thinking we can go together. On le récupérer après. J'espère qu'on va les récupérer. Un maximum. Now the announcement. On va quand même leur expliquer, sinon il n'y a plus qu'à attendre qu'ils applaudissent, s'ils comprennent. Qu'il n'y a plus de cigales, ça marche bien. Oui, du coup, c'est clair. Dove? Dove? Qua. Thank you. la perfide Albion, nous attaquons l'Angleterre. Il y a une, à mon avis, il y a une stratégie, il y a géopolitique. Mais c'est ça. Qui sont en train de se jouer. C'est ça. C'est fabriqué pour ça, c'est ça, c'est, là c'est juste. Non ? Ça commence à devenir intéressant. Je trouve que par rapport à cette manipulation ludique de petits machins que tu mets à ton oreille et tout là, on est dans le monde. Ben, non mais c'était ça, oui, oui, bien sûr. Enfin, même si c'est vraiment de recomposer à l'image de la Biennale. On aurait pu t'y tracer au sol. Non, mais tu as raison, effectivement. Ça va, toute la semaine, on a pris des nouvelles du monde, on les a enfermés dans une petite pièce. Oui, c'est ça, ouais. Il faut les libérer, moi. Oui, c'est ça, ouais, c'est très bien. Ouais. Et conséquemment, on a attrapé toutes les cigales, on les a mises à l'intérieur, pour pas qu'elles fâchent. Elles font plus chier parce que... Non, c'est Théo qui les a enfermés dans 5 petites MIFA à l'intérieur, donc toujours pas, merci. C'était ça le concept, en fait, rentrer les cigales et sortir les nouvelles du monde. Ah non, pas seulement, écoute, ça m'a plu. Malheureusement, la prochaine fois, c'est à la maison de l'architecture, pavillon de... Ouais, je sais pas, de l'architecture, c'est à la maison de l'architecture. Au bazar aussi, c'est pareil, c'est à l'intérieur. Bah ouais, il va falloir qu'on voit. Le problème, c'est qu'on sera juste avec Cédric, je crois. Donc, on va voir si on va oser. C'est à l'automne, hein. Donc, on va faire ça à Paris, chez les Huiles, dans un truc beaucoup plus restreint. Bah, faut qu'on les sorte, faut qu'on les mette dans Paris. Allez. On va leur mettre plus du GPS, comme ça, on est sûr de les retrouver. C'est bien d'avoir beaucoup de précautions. Beaucoup d'ambition. Je crains que... Il y a petit... C'est ça, il faut trouver le juste milieu entre... Parce que là, bon, tu vois, dans le dessin de cette biennale, ça roule. Oui. Presque vous allez conquérir l'Angleterre. J'ai hésité à leur emmener un, parce qu'il y en a un où il n'y a que de l'anglais, donc je voulais dire, tiens, cadeau. Non, après, si je dis cadeau, ils vont le garder. Pareil, les Allemands. Dans un parc délimité, qu'on fasse un essai à mon hauteur. Mais c'est Giuseppe qui a lancé ce truc-là, en fait. Il a fait une installation sur une dizaine, douzaine, je crois, dans le jardin de ville à Grenoble, avec les sirènes du Drac. Non, avec autre chose, en plus, avec des compos, oui, très juste. C'était moi, j'avais vu à Blois, il avait mis ça dans des arbres pendant la nuit, en fait. Du coup, il baladait, il y avait des trucs qui sortaient des arbres, et c'était pendant la nuit. Oui, alors là, c'était vraiment étrange. Ouais, c'était vraiment étrange, c'était des soins, en plus. Pour un peu acoustique. Oui, c'est ça, c'est des petits bip bip, des bonbons. Ils sont un peu particuliers, bien sélectionnés. Alors que c'est vrai que là, on joue avec tout et n'importe quoi qu'il y a. Tu vois ce que je disais, une installation sonore, on s'en fout ce qu'il y a dedans parce que c'est des gens qui ont composé, qui nous ont offert ça. On mélange les 150, on les dispatch, finalement. Non, mais ça fait partie des paramètres que. La matière sonore n'est pas le seul intérêt de cette affaire-là, justement. Alors qu'en musique, tu peux fermer les yeux, tu peux écouter sur disque. On les ramasse, on les éteint. On va dire ça ? Ouais. C'est fini, toi. J'ai laissé les cigales moins fortes, et puis on éteint tout, on rentre tout, on éteint les cigales. Voilà. Je m'étais dit le temps d'une clope, ça sera parfait. Quoi ? Je m'étais dit le temps d'une clope, ça sera parfait pour commencer à ranger. Je me tente de... Théo. Théo. On les ramène sur la table et on les branche par numéro pour vérifier qu'on les met tout. Ouais. On les remet en cercle sur la table pour demain, tranquille. Secret. Ah oui, je pourrais faire ça, par exemple. Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai, voilà. Je savais qu'il y en avait. Je n'ai repéré quelques-unes chez Wilson. même plusieurs. Le monstre sous-mouillé ne l'avait finalement pas mangé et l'odeur du pain grillé montait à l'étage. Mes frères étaient déjà en train de petit déjeuner, tandis que ma petite sœur dormait encore. Sur la table, la corbeille était pleine de tranches de pain. C'était Julien qui les avait préparées. Lui les coupait fines et régulières, puis se les faisait cuire. Tandis que Nicolas les faisait épaisses et biscornues, les burait et les plongeait dans un gros paquet de bengo, où les gros grains s'enfonçaient dans l'épaisse couche de bengo. Ah, on entendait arriver les parents. La salle de traite devait être nettoyée et les vaches libérées. Papa tapotait ses bottes pour les décrasser et les laissait sur l'escalier à l'entrée de la maison. Oui, on les ramasse, on les éteint et on va les ranger sur la table par ordre de numéro, comme ça on vérifie qu'on a tout. Maman arrivait toujours de 3 minutes plus tard. Je te laisse faire du coup. J'essaie de les repérer à l'oreille où est-ce qu'ils sont. Ah oui. Merci. Non, tu peux. On va laisser celle-ci. Lâche questa. La prima. À l'anglaise, j'ai rien dit, je suis partie. Putain, j'ai trop honte. J'avais trop la flemme de me justifier. Il m'aurait fait ouais, t'es partie super tôt, reste. Mais très bien, tu vois, moi c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis restée exactement une demi-heure à la soirée parce que ça m'a agressé. Là. To me, it makes sense, the translation, in this genealogy of what are people thinking. On les ramasse, on les éteint, on les remet sur la table par ordre, comme ça on vérifie qu'on a bien tout. Mais c'est chouette comme jeu, tu vois, moi je faut... Laisse-nous trouver, nous dis pas la réponse tout de suite, on y va à l'oreille. Bon, ça devrait aller. Quoi? Voilà, on va prendre le juge des enfants, cabinet 1. Alors, ce sera en salle. L'avocat au barreau de Bordeaux. On a l'occasion de croiser les confrères avec nous. Non, questa è la biennale. Ma lo so. Che mi prendi in giro. E dove andiamo? Non ce ne sono più. Non sono più? Certo. Sì. Ancora una qua, no? Sì. Ancora uno, no? O è questo? No, è questo. C'è ancora uno? Dove? C'è anche uno qui. Dove? In questo è San... In albero. Questo è che... Vieni con me. Ho pensato ai quattro. Ah! Sì. Ah, grazie. J'étais avec Stéphania qui m'a dit, mais non, ça c'est le pavillon tchécoslovaque qu'on entend. Mais en fait, il fait, non, il n'y a pas de pavillon. Ah ouais, alors je l'ai pas pris. Ok. Celui de l'arbre était trop beau. De celui-là, là ouais, oui, oui, hein, ouais. Quel calme. Ouais. Et en plus, on rentre, il y a les sirènes à l'intérieur. Les cigales à l'intérieur. Ah, mais les cigales, c'est un autre son. Voilà. Mais c'est un son de quelqu'un. C'est Théo qui les a faites cet après-midi. Là, ils sont partis, les cigales. Et ils sont ici. On les a prises dehors, on les a rentrées à l'intérieur. Tu peux, on a une spécialiste si tu veux pour les ranger. On va compter, on va regarder, il est en train de les ranger là. Il y a peut-être un blanc qui se cache. Des fois t'as un doute, hein. Comment ? Il manque le numéro 4 quand même. Non ? Peut-être là. Non c'è più. Numéro 4. Non c'è qua. Et ben... Taratara. Tu sais ce que c'est, numéro 4 ? On va garder quand même. On fait fade out et on cherche le numéro 4. Tu peux faire fade out avec celle qui fait la pulse là ? Leggermente così. Meno. E manca una, se la 4. 4 e 2? No, 4. 16. Ok, 4, 16, ok. 2. 4 e 6. Tutti facciamo. La 4 et la 16, on cherche. La 4 et la 16, il nous manque. Ceux-là, ils sont à peu près bons. Je fais que Sébastien en avant. Je vais aller faire un tour. Ouais. Alors, mais je crois qu'on a y été. Non sono in ritorno. No, no, tutti? Sì, tutti. Ok. Bello. Grazie. Ah, les cigales sont là-bas. C'est plus fort. Tout va bien, tout est revenu. J'ai des cigales qui sont enfermées encore. Elles font rien. Ouais, mais ils sont un peu fatigués parce que d'habitude c'est plus fort quand même. Et stop maintenant.